direction du club de golf de Chibougamau-Chapaï, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Denis. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire des Jardins et Plaine-Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! On va parler, c'est la revue de l'année dans la Ligue canadienne de football avec notre ami Pascal Masson. Évidemment, on va parler des Alouettes de Montréal. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, évidemment, il faut parler de... Écoute, si on se rappelle en début d'année, on n'était pas très optimistes. Moi, j'avais donné, si je rappelle bien, c'était 3 victoires, 15 défaites. Toi, tu avais donné 5 victoires. Finalement, c'est toi qui as eu la raison. Mais pourquoi que j'étais pas optimiste? Parce que la ligne à l'attaque était pas forte. Et rappelle-toi, en début d'année, le directeur général dans le monde, Kivis Reed, avait pas connu un gros hiver. Et finalement, tu sais, quand tu dis que tu vas chercher Josh Freeman comme carrière, t'as Josh Freeman et Drew Willey, et tu pars avec ça, on avait raison d'être très pessimiste au départ de la saison. Ah, effectivement, c'était les deux points les plus interrogatif pour nous, c'était la position de corps. On savait qu'à la position de corps, on avait un gros problème. Et puis, la ligne à l'attaque, comme tu l'as bien dit, on s'était débarrassé de notre bloqueur à gauche. On avait vraiment beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Et ça nous a donné raison dès le début de l'année. On a eu de la misère à partir. Au début de l'année, si on se souvient du tout premier match, là, la défensive, avait montré de belles choses. On se disait, bon, mais si on a une défensive qui est capable de nous tenir dans le match, peut-être que, tu sais, mais finalement, on s'entend pour dire que la défense aussi, en fait, les trois phases de l'équipe ont été défaillantes, autant sur l'unité spéciale offensivement que défensivement. C'est parce que défensivement, début d'année, on avait de la misère à avancer le ballon. Tu te rappelles? Et lorsque ta défense est sur le terrain, c'est toujours sur le terrain, c'est difficile, c'est normal qu'elle flanche un peu, là. Non, c'est sûr. C'est sûr que le temps de possession a un gros rôle à jouer dans les bonnes défenses. T'sais, si on regarde la meilleure défense de toute la ligue, celle des Stampeders de Calgary, elle a une des meilleures attaques aussi et une des équipes qui a le plus de temps de possession. Donc, t'as une défense qui est tout le temps fraîche sur le terrain. Et c'est une des raisons pourquoi au premier match, on avait eu du succès du côté des Alouettes, c'est qu'on avait été en mesure de bien courir le ballon, si on se souvient bien. C'était contre les Lions, la Colombie-Britannique. On était en mesure de courir le ballon, de prendre beaucoup de temps. Donc, la défense arrive plus fraîche sur le terrain et on est en mesure de bien performer. Et après ça, ça a été un château de cartes qui s'est effondré là, en terminant avec une des pires défenses. C'est juste les Argonauts de Toronto qui ont été un peu dans notre catégorie, là, ou pire un peu. Puis offensivement, on était la pire de toute la ligue. OK. Aussi, c'était également la valse des Gardiens. Il y a eu... si je me rappelle bien, c'est Drew Willey qui avait commencé l'année. Après ça, tu as eu Antonio Pitkin, tu as eu Jeff Matthews, tu as eu, après ça, ça n'avait pas de sens, les carrières, la chaise musicale, jusqu'au temps où les Alouettes ont conclu l'une des plus grosses transactions de leur histoire, depuis qu'ils sont revenus à Montréal, c'est d'obtenir Johnny Manziel des Tiger Cats d'Hamilton. Écoute, si on se rappelle bien, dans le cas de Manziel, on se posait la question, on était tous d'accord, mais on disait, ils ont cher à payer. C'était très cher à payer, cette transaction-là. Mais finalement, ça va faire parler des Alouettes et ça va peut-être redonner, stabiliser la poste de carrière. Comment t'as évalué le Johnny Manziel cette année? Ben, moi, tu sais, je trouvais que Johnny Manziel s'est bien battu dès le début. Il y a eu un match très difficile dès son entrée, puis on a vu beaucoup de caractère de la part du carrière qui a refusé de baisser les bras, puis de continuer à se battre. Puis, tu sais, on s'entend pour dire qu'il n'y avait pas un groupe de receveurs incroyable. Aucun jeu au sol d'établi. La ligne à l'attaque lui donnait pas beaucoup de temps, mais il était toujours là. Moi, je trouvais qu'il était quand même un bon battant. T'as raison qu'on a donné beaucoup pour lui. Cependant, tu sais, si tu peux pas... Mettons là qu'on va sur le marché des agents libres et qu'on essaie de trouver un joueur comme Mike Riley, on sera jamais capable d'entourer non plus. Là, tu sais, on va tout mettre notre masse salariale sur lui, puis on n'a pas de noyau établi à Montréal. Donc, on est un peu dans une situation perdante en partant du côté des Alouettes. Donc, moi, je trouvais que l'acquisition de Johnny Manziel, c'était pas une si mauvaise acquisition, dans le sens que on a peut-être un corps qui était capable, sur lequel on peut construire à l'entour. Cependant, on a drôlement géré l'aspect de la commotion cérébrale qu'il y a eu au match contre les Tiger Cats, il me semble. Ensuite, il a été malade. On a donné le poste à Pitkins pour un match. Il est très bien fait. Il est très bien fait, Antonio Pitkin également. Il a démontré des belles affaires, Antonio Pitkin, mais cependant, si tu as donné tout ça pour un joueur, t'as investi du temps aussi dedans. Mm-hmm. C'est ça que j'ai trouvé ça bizarre, moi. Je veux dire, quand tu vas chercher Johnny Manziel et tu donnes autant de choix au repêchage et de joueurs pour l'avoir, tu dis, on va mourir et vivre avec, ou vivre et mourir avec. Et non, on va jouer à la chaise musicale, puis on verra. Donc là, j'espère que le plan de match des Alouettes, ça va être ça pour la saison, là, tu sais, comme pour la saison qui s'en vient. Là, on va en reparler parce qu'il va y avoir deux blocs. Le premier bloc, c'est la saison 2018 puis 2019, comment on voit ça. Il y a eu Antonio Pitkin également, qui lui, là, ça c'est un. Quand on dit que c'était tout croche, cette organisation-là, c'est tout croche. Les Alouettes aussi. Devant la possibilité qu'il y avait très peu de carrière, on signe Antonio Pitkin. Puis à l'époque, rappelle-toi, lorsqu'on a signé Pitkin, on disait, c'est parce qu'il connaît bien le système de jeu. Il l'a envoyé dans la mêlée, je me rappelle bien, c'était contre les Eskimos Edmonton. Tout le monde pensait que les Alouettes allaient manger une volée. Puis Pitkin a bien fait. On le renvoie dans la mêlée de deuxième match. Il gagne deux matchs de fil. Et ça prouve encore une fois le manque, peut-être, d'évaluation de talent du côté des Alouettes. On a encore une fois manqué de talent. Comment se fait-il qu'un carrière de même, il s'est retrouvé chez lui, puis on l'a rappelé de toute urgence? Il faut se rappeler que les Alouettes ont joué avec six carrières différents cette année. Six carrières. Antonio Pipkin, Johnny Manziel, Drew Willey, Jeff Matthews, Vernon Adams, Matt Shields. Okay? Donc, on voit très bien que les Alouettes ont une difficulté à gérer bien leur corps arrière. Il y a eu des blessures là-dedans, c'est vrai. Bon, c'est sûr que on pourrait dire que les Alouettes ont peut-être mal évalué Antonio Pipkin, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune autre équipe qui est allée chercher Antonio Pipkin. Donc, tu sais, à ce moment-là, ça veut dire que s'il y avait eu autant de talent, une autre équipe aurait pris leur chance puis l'aurait signé, là. Ce qui n'est pas arrivé. Bon, les Alouettes ont eu des blessures, donc ça allait chercher un carrière qui avait passé le camp avec eux, qui connaissait le système, ou du moins une partie du système, puis qui se sentait à l'aise. Puis probablement qu'Antonio Pupkin, sa plus grande qualité doit être son comportement, son leadership, le respect des joueurs, donc ils se sont peut-être dit, justement, il est connu, on va le prendre, puis... C'est ce qu'on disait, hein, Didier Hormejus, qui est ton collègue RDS, disait que les échos que lui avait, ben, il est à l'entraînement, c'est que c'est un gars qui travaille fort. Comparativement à Johnny Manziel, qui lui, mais dans le cas Manziel, c'est... Écoute, là, c'est... Ben, c'est toujours fait au talent. Ouais, c'est toujours fait au talent, c'est de l'improvisation et ainsi de suite. Donc, et c'est pour ça un petit peu. Puis Pitkin a quand même bien fait. Puis moi, je pense qu'il faut pas démissionner sur lui. Moi, par le passé, les Alouettes ont eu des carrières qui... rappelle-toi de Rakeem Keto, j'en ai parlé souvent. C'est probablement le corps le plus talentueux qu'il y a eu depuis Anthony Calvillo. Puis me semble qu'on a démissionné très vite sur lui. Mais finalement, ben, le cas de Pitkin, j'espère qu'on démissionnera pas dans son cas. Mais tout ça pour te dire que... Écoute, là, ils ont quelque chose à bâtir au moins pour les prochaines années. Ben moi, si j'étais directeur général des Alouettes, ce que je ferais personnellement, c'est que je nommerais tout de suite Johnny Manziel, mon carrière numéro un. Je bâtirais alentour de lui. Je m'assurerais de garder Antonio Pupkin comme carrière substitut. Puis j'essaierais d'aller chercher une perle rare dans mon scouting aux États-Unis pour un troisième quart qui peut être habillé. Tu sais, ça serait ma stratégie de développement au niveau des carrières chez les Alouettes. C'est sûr que Antonio Pupkin, on se doit d'essayer de le garder dans notre entourage, mais pas pour nécessairement faire compétition à Johnny Manziel, mais se dire, regarde, quand on va avoir besoin de toi dans des packages, dans des personnels particuliers, peut-être offensivement, ou si Johnny se blesse, c'est toi, à long terme, on veut peut-être te développer. Tu sais, ça peut être une stratégie à long terme aussi. Et quand je parle de long terme, c'est une à deux, tu sais, peut-être deux saisons. Mm. C'est peut-être que Johnny Manziel, il peut être notre carrière pour deux, trois saisons, je ne sais pas. Normalement, ça devrait être sa dernière année en 2018. Mais normalement, mais c'est pas qu'une saison comme l'année passée qui va se faire signer un contrat dans la NFL. Non. Écoute, Bolivar Mitchell vient d'avoir un peu l'attention de la NFL d'un dernier jour, et puis ça fait des années qu'il performe de façon assez exceptionnelle dans les Canadiennes, donc je ne m'attends pas à ce que Johnny Manziel soit de retour dans la NFL dans les deux prochaines années, mais il faut une stabilité au poste de carrière, et ça passe par on nomme notre carrière partant, puis on s'assure un remplaçant avec Antonio Pupkin, et faut faire une tentative d'aller chercher une perle rare, comme genre Winnipeg ont fait l'an passé, où avec leur deuxième quart, quand le carrière partant s'est blessé, il est rentré en jeu, il a démontré de belles choses, puis ils savent qu'ils vont garder ce corps-là comme carrière du futur. Donc, c'est un peu ça qu'il faut aller faire du côté des Alouettes. Effectivement. Donc, il faut bâtir une ligne à l'attaque aussi. Ça, c'est important. C'est important, mais c'est pas... C'est pas faut rappeler que les Alouettes n'ont pas leur premier choix cette année. Ils auraient eu le premier choix overall de tout le repêchage canadien. Puis tu sais comment c'est important. Puis je pense que c'est important également de bâtir une ligne à l'attaque. Ça passe par là. Puis des bons receveurs de passe, ça a fait défaut cette année. On l'a dit souvent qu'Ernest Jackson était payé trop cher pour ce qu'il a valu, là. Ça, c'est une des grosses erreurs de Kevin Street. Ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas, beaucoup d'opportunités sur le marché des agents libres pour aller chercher des bons joueurs. Ernest Jackson faisait partie de ceux qui avaient bien performé à Ottawa, donc on se disait, puis tu sais, avec son gabarit, on se disait, bon, on a probablement un gars de 6 pieds 2, 220 livres, c'est un receveur sur lequel tu crois certainement que tu peux miser, et finalement, c'est avéré quand même une déception. Notre carrière le plus performant, c'était Eugene Lewis. Tu peux pas avoir Eugene Lewis, puis B.J. Cunningham comme tes receveurs numéro un, ça prend quelque chose de plus. C'est clair. Il manque beaucoup d'éléments à Montréal, puis il aurait fallu, il y a 3 ans, quand on a décidé de partir en reconstruction, vraiment bâtir là-dessus. Non. Et puis là, ben c'est pas ça qu'on a essayé de tout patcher des trous, Puis là, on se retrouve avec une équipe, ben, qu'il y a beaucoup trop de trous à patcher, là. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et ton gars, ben, Bruno Eppel, a mentionné souvent le nom de Joe Mack, comme qui est celui qui a les contacts aux États-Unis, qui aurait dû être limogé. Aux dernières nouvelles, lorsqu'on enregistre le podcast, c'est le 18 décembre, il n'a toujours pas été congédié. Puis Joe Mack, c'est le gars qui est du recrutement aux États-Unis, puis ça va être très dur. Puis ça, on va en parler dans le deuxième bloc. Ça va être beaucoup plus dur pour la LCF, en raison qu'il y a deux nouvelles ligues qui s'en viennent aux États-Unis. Puis les meilleurs joueurs américains, j'ai l'impression qu'ils vont rester aux États-Unis. Mais ça, on va en reparler dans le deuxième bloc. Écoute, est arrivée la Coupe Grey. Ottawa-Calgary, les Stamps qui avaient perdu leur deux fois la Coupe Grey ont remporté cette classique-là, où ça a été une bataille des unités spéciales. Puis si je me rappelle bien, les unités spéciales ont été meilleures du côté des Stamps que du côté des Rouges et Noirs. Oui, c'est sûr. Les Stamps ont finalement battu leur démon en réussissant à ne pas... comme on dit en termes de sport, à ne pas choquer, parce que c'était clairement la meilleure équipe. Et pour la première fois en 3 ans, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Puis pourquoi? Parce qu'on a une défense solide et des unités spéciales qui performent. Et habituellement, comment on réussit à performer sur une unité spéciale? Avec de bons joueurs canadiens. Si tu regardes les deux équipes qui se sont rendues en finale cette année, c'est deux équipes qui comptent parmi leurs équipes, leur alignement, je veux dire, des joueurs de qualité canadienne. Donc ça a été important, ça a fait la différence. Et l'exécution des unités spéciales chez les Stampeders ont juste été meilleures cette journée-là que celle des Red Blacks. Mais le Rouge et Noir a également bien performé tout au long de l'année. Donc on a eu le droit quand même à une belle saison de ces deux équipes-là. Et c'est ça, ça a donné une équipe qui a gagné. C'est qu'on a de la misère chez les Alouettes, oui, les unités spéciales. C'est difficile, mais on s'entend dessus pour dire que il y a moins de qualité de joueurs canadiens. T'sais, moi, j'aime bien un joueur comme Jean-Gab Poulin qui fait des bonnes choses, mais il me semble qu'il en manque un peu de joueurs canadiens performants de ce style-là du côté des Alouettes. Là. Effectivement. Mark Trishman a été congédié par les Argonauts de Toronto, au moment où on enregistre le podcast. Moi, j'étais sûr que ça aurait pu être un candidat pour aller se retrouver à Vancouver, mais finalement, c'est l'ancien coordonnateur à l'attaque à la défense des Stampeders qui a été nommé à la place. Écoute, son nom, Devon Claybrooks, oui, c'est son nom, a été souvent mentionné avec les Alouettes, a été souvent mentionné. On disait que c'était le meilleur prospect pour la SCF. C'était le prochain coordonnateur à devenir entraîneur-chef. Es-tu surpris de voir que Trishman n'a pas de job encore en ce moment? Moi, j'étais sûr qu'il avait pu commencer à Vancouver. Mais c'est sûr que Vancouver faisait partie des équipes qui avaient besoin d'un entraîneur-chef. Donc, on se disait tout que Mark Trishman pouvait être un candidat, c'est sûr, parce qu'on parle d'un bon coordinateur offensif, etc. Cependant, on avait besoin également de l'aide à la défensive du côté des Lions. Et devant Claybrooks, comme ancien coordinateur défensif, amenait cette opportunité-là du côté de la Colombie-Britannique pour aller chercher un entraîneur-chef. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec cette nomination-là, c'est que on a Wally Bonneau, qui est un bon vieux de la vieille, qui va pouvoir bien encadrer un jeune entraîneur-chef comme Devon Claybrooks, qui vient d'une équipe gagnante, qui a également appris sous Dickinson. Donc, tu sais, je pense que si on mise sur du long terme, Devon Claybrooks faisait plus de sens que Mark Trishman. C'est Mark Trishman a également sa réputation de son côté. Il a également des aspirations NFL. Tu sais, lui, c'est certain qu'il aimerait ça retourner dans la NFL. Donc, tu veux peut-être t'assurer d'un bon jeune entraîneur-chef derrière qui les joueurs vont... parce qu'il est extrêmement apprécié, Claybrooks, des joueurs. Donc, moi, je pense qu'il amène de quoi de super intéressant à Colombie-Britannique. Okay. Pascal, on va faire une pause. On va se parler dans le deuxième bloc. Qu'est-ce que tu prévois pour la prochaine année? Vous êtes à l'écoute de la rétrospective des Alouettes. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 88... Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre fêtes, service à la mesure de vos droits. Vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 boulevard Amel Saint-Félicien 88-679-41-94. On est de retour à danradiosport.com. Pascal, évidemment, l'année 2018. On va commencer avec les Alouettes. Par la suite, je veux parler de la LCF un peu parce qu'il y a de grands défis qui s'en viennent pour la Ligue canadienne de football. L'arrivée de deux nouvelles ligues qui vont chambarder bien des affaires. L'arrivée au Mexique également parce qu'il y a une alliance avec la nouvelle ligue du Mexique de football. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la Ligue canadienne? Pascal, écoute, moi je suis à peu près convaincu que là, j'aimerais ça être directeur du marketing chez les Alouettes pour voir comment ça va la vente de billets de saison actuellement. Il me semble que la vente de billets de saison, pour vendre, il faut que tu vendes de l'espoir. Puis de l'espoir, il n'y en aura pas, à mon avis, tant que Kevin Street va être là. Ben, j'ai malheureusement pas le choix d'être en accord avec toi là-dessus, Dan. Ouais. Moi, je veux absolument que les Alouettes performent. C'est notre équipe au Québec. C'est notre équipe de football. C'est cette équipe-là qui a fait éventuellement qu'il y a des universités comme les Carabins et le Rouge et Or, des universités francophones ont pu performer avec les jeunes joueurs. Et là, c'est en train On est en train de perdre tout ça. Et puis Kevin Sweet fait partie plus du problème que de la solution. Et là, on est pris aux Alouettes avec des contrats. Ben, c'est ça l'affaire. Est-ce que tu penses que, Pascal, est-ce que tu penses que il y a encore sa job parce que dans le fond, les Alouettes ont beaucoup de contrats? Ben, tu sais, c'est ça, là. Ils ont payé des entraîneurs qui n'étaient plus partie de l'équipe depuis un bout de temps. C'est probablement la même chose du nouveau Kevin Street. Cependant, au moins pour la première fois, on a senti du côté des propriétaires que c'était la dernière chance. C'est ce qu'on a senti dans le discours. C'est que c'était là ou jamais. Et puis, malheureusement, je pense que ça va être, malheureusement ou heureusement, dépendant, mais ça va être la dernière saison de Kevin Street. J'ai pas l'impression qu'il va être en mesure de tourner l'équipe de bord cette année. Il y a trop de travail à faire. Et encore une fois, cette année, je crois que les Alouettes vont terminer dans les dernières équipes. Ouais. Puis c'est très malheureux parce que je ne souhaite que du bonheur et du succès à notre équipe au Québec, mais en ce moment, j'ai de la misère à le voir. Ah non, regarde, écoute, puis c'est vrai. Moi, je suis pas t'es-tu inquiet? Beaucoup de monde sont inquiets de l'avenir du football canadien à Montréal. Moi, je suis plus ou moins. Écoute, j'ai connu, je me rappelle très bien qu'est-ce qui a provoqué la disparition des Alouettes. Ça ressemble, côté sur le terrain, ça ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui se passe actuellement. Par contre, tu n'avais pas une mentalité de football comme aujourd'hui. Aujourd'hui, écoute, je pense que les Carabins, le Rouge et Or est là. Dans ce temps-là, ça n'existait pas, les programmes de football. Et deuxièmement, c'est que dans le temps, on disait que la NFL allait venir à Montréal puis que les Alouettes étaient peut-être un obstacle à l'arrivée de la NFL. Or, la NFL n'a jamais passé proche. Moi, je ne suis pas inquiet. Il s'agit juste d'avoir des gens compétents, des gens qui vont ramener la confiance aux partisans, puis les gens vont y retourner. La preuve est là, écoute, les cotes d'écoute des Alouettes sont plus forts que ceux de l'Impact, et avec la saison qu'ils ont connue. Alors, l'intérêt du peuple québécois est présent, ouais, au niveau du football. Le football est devenu un des sports favoris là au Québec. Mmh. Là, on a eu une baisse là suite au dossier il y a quelques années, là, les dossiers des commotions, mais tout ça c'est restabilisé un peu. Tout le football en général s'est ajusté puis continue de s'ajuster à la nouvelle réalité de toutes ces situations-là. Moi, je pense que ça prend pas grand-chose. Là. Non. Ça prend une saison proche de 500, là, puis de se battre pour les séries, puis l'intérêt puis l'engouement va reprendre tranquillement. Puis c'est juste que ça prend une gestion. Ça prend de l'espoir. Qui va nous permettre d'avoir de l'espoir, exactement. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas d'espoir. Pascal, il y a quand même aussi un facteur. 2019 va être une année extrêmement importante pour la Ligue canadienne de football parce que on a actuellement deux nouvelles ligues qui vont démarrer, l'une en 2019, l'autre en 2020, qui va jouer carrément dans les plates-bandes de la Ligue canadienne de football du côté des joueurs américains. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a mis un plafond salarial même du côté du personnel de football. Là. C'est 2,5 millions pour les deux. Donc, pour le personnel d'entraîneur et le personnel de dirigeant, comment tu vois ça, l'arrivée de nouvelles ligues? Moi, je pense qu'il y a tellement de joueurs de football qui n'ont pas de job que ça va quand même aider. Je suis pas sûr que la Ligue canadienne va souffrir tant que ça. Je pense pas qu'il va avoir... Moi, je pense juste qu'est-ce que ça va faire, ces ligues-là, c'est qu'il va y avoir encore un plus gros roulement au niveau des joueurs. Donc, tu sais, parce que, admettons qu'on regarde la NFL, là, il y a des joueurs qui viennent pas jouer dans la Ligue canadienne parce qu'ils aspirent à jouer dans la NFL. Ils vont dans les mini-camps, ils vont faire les camps. Ils durent pendant un bout de temps. Puis en septembre, t'as un paquet de joueurs qui partent de la NFL puis qui s'en viennent jouer dans la Ligue canadienne parce qu'ils se sont fait couper, ils se sont fait libérer par des équipes NFL. Moi, je pense que les nouvelles, tu sais, les joueurs, là, ultimement, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent être payés pour faire leur sport. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va voir des joueurs qui vont avoir joué dans les nouvelles ligues, qui après les saisons vont s'en venir, vont se rajouter. Il n'y a aucune équipe ou aucun dirigeant de la Ligue canadienne, d'une équipe de la Ligue canadienne, qui va refuser des bons joueurs, même si on peut débuter la saison nécessairement avec leur organisation. Donc, ça va juste permettre à plus de joueurs de se développer. Puis comme tu as dit, il y a tellement de joueurs aux États-Unis qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il y a peut-être des joueurs qui n'auraient pas eu d'opportunité dans les Canadiennes qui vont en avoir, puis qu'ultimement, ils vont se développer à être des bons joueurs. Moi, je pense pas qu'il va avoir une si grande différence. Puis la Ligue canadienne, ça reste notre ligue, ça reste une ligue établie depuis des années. Elle est toujours en vie, là. Exactement, puis elle a eu connu de bien plus des années difficiles qu'en ce moment, donc je suis pas nécessairement inquiet de l'arrivée des nouvelles ligues. Comment tu trouves ça, le Mexique? Ben, je trouve que c'est intéressant d'ouvrir d'ouvrir tout ça, tu sais, dans le sens, je pense que, j'espère, tu sais, j'aimerais tellement ça que ce soit international comme sport. Ouais. Ça le devient tranquillement, petit peu par petit peu, mais c'est ce qu'on veut, en fait. Là, c'est ce qu'on veut voir. Là. des nouvelles nationalités s'impliquer puis devenir de ce que je comprends devenir... De ce que je comprends, Pascal, là, de ce partenariat-là, c'est, il y a des joueurs canadiens qui s'en iraient dans cette Ligue du Mexique-là. Je prends l'exemple de Hugo Richard, OK? C'est vrai. Hugo Richard, qui est un gars canadien, qui est un gars qui a battu tous les records universitaires, qui n'a jamais eu sa chance, puis qui ne l'aura probablement pas non plus. Lui, il va s'en aller à cette ligue d'une Mexique-là, parce qu'on dit que ça pourrait être comme une espèce de ligue filiale à la Ligue canadienne de football. Tu sais pas comment qu'un gars comme Hugo Richard peut se développer par la suite, là. Non, mais c'est ça. Ça va donner des opportunités à d'autres joueurs, exactement. Puis c'est un très bon exemple que tu donnes. Ouais. Tu sais, on a de la misère, tu sais, la difficulté au niveau des... du développement des carrières, là. Canadiens. Que ce soit canadien ou même certains... carrière américaine qu'on va chercher parce qu'ils ont joué pour Texas ou ils ont joué pour Oklahoma ou ils ont joué pour une grosse équipe, on va les chercher parce qu'ils n'ont pas été repêchés dans la NFL. Puis finalement, ça s'avère des déceptions du côté canadien. Là, ces ligues-là vont permettre à ces carrières-là de les évaluer dans des situations compétitives professionnelles. Donc, un développement plus à long terme, moi, je pense que ça, de l'aspect carrière, ça peut être très positif d'avoir de nouvelles ligues et d'avoir plus d'opportunités de se développer. Okay. Deux derniers points rapidement. Le cap salarial pour les employés et également les employés de soutien, les entraîneurs, les directeurs généraux, etc. Comment tu vois ça? Est-ce que tu... c'est 2,5 millions, je ne m'abuse, qui va être décerné. Je me rappelle plus, je pense que c'est 14 ou 18 le nombre de personnes qu'il faut qui va être dans ces 2,5 millions-là. Est-ce que tu vas voir un changement sur le terrain? Pas sûr, hein? Bien, sur le terrain, je pense pas qu'on va voir un changement nécessairement tant que ça. C'est plus, tu sais, moi, ce que je vois là-dedans, c'est plus la qualité de vie des entraîneurs en qui place. Qui va diminuer parce que ce qu'on coupe, c'est pas des entraîneurs. Tu sais, on coupera pas un coordonnateur. On coupe des aides, on coupe des assistants, on coupe des recruteurs. Ouais. Donc, ce travail-là va devoir se faire et c'est les entraîneurs temps plein qui devront mettre les bouchées doubles. Puis déjà, la qualité de vie d'un entraîneur pendant la saison est pas incroyable, là, pour l'avoir vécu. Puis je peux vous le garantir, là, je comprends que c'est pas des médecins puis ils sauvent pas des vies, sauf que c'est des heures de fou. C'est également des passionnés, mais en tout cas, là, moi, je pense que c'est juste que ça va rendre la vie des entraîneurs à temps plein plus difficile. Effectivement. Pascal, un gros merci encore une fois de ta collaboration cette année. Fort apprécié. Je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année également, puis on va se reparler dès que l'actualité de la Ligue canadienne de football va s'ouvrir. Il y a le marché des joueurs autonomes qui va être là cette année. Il y a plusieurs gros noms. Par contre, ce qu'on peut voir en terminant, c'est que Bolivar Mitchell et Mike Riley ont des essais dans les Canadiens de football, ça pourrait, dans la NFL, ça pourrait être des pertes pour la Ligue canadienne. Mais on va se reparler de ça en 2019. Bien, merci beaucoup, Lange. Je te souhaite de joyeuses fêtes, puis je souhaite de joyeuses fêtes à tous ceux qui nous écoutent également. Ouais, notre ami Pascal Masson.